mais que les hypocrites se taisent et que les frères chantent avec moi. Si ils aiment souffler sur les braises, chez nous on sait qu'avec le feu, non on ne joue pas. Mais si je viens parler d'amour, non ce n'est pas d'amour de soi. L'égoïsme est un concept qui ne tuera pas ma foi. Oh oh, chaque jour, chaque jour, que Dieu me donne, que Dieu me donne, je porte ma croix, je porte ma croix. Oh oh, chaque jour, oh, chaque jour, comme d'autres hommes. Juste moyen de toucher le plus grand nombre, témoin de la folie des hommes.